Tous mes ennemis, aucun d'entre eux n'oublieront toutes mes guerres. Tout ce que j'ai fait dans cette musique, c'est sacrifice que j'ai fait pour mes frères. Aucun regret, tu veux te venger par la peur, t'es habité, t'agites pas. C'est tamponné, je suis validé par garder la star que moi je valide pas. Viens ton maintien au gras, t'as auberge dans le gradin. Liston à Triston, des vengeances au congèle et du pain sur la planche à biston. Du 9-3 par la torpille, par convoi, transfert le fit. Nique la mère à ta grande sœur, la chatte à son beau-frère, le schmitt. Ferme ta gueule, grosse. Claque dans la nuque, les chars de sang votre rafale. J'y vais à la Bud Spencer, dans ton casquette, c'est nos limites. On va péter la tête, on va les rao, on va les au. Si tu répliques, clic, pa pa pa pa pa pa pa. Chargé sous le cas, ouais, toujours en ska, ouais, bah ouais, c'est la street, c'est la real team. T'as pas vu le panneau, c'est Provenzano, Bano, tu veux gratter la victime. HLM Buyer, t'es dans The Wire, Briar, Dyer, t'es dans The Shield. On veut tes valeurs, on leur en chaleur, c'est la faute à Baba. Ce que j'ai fait dans cette musique, je l'ai fait pour mes frères. Je l'ai fait pour mes frères, je l'ai fait pour mes frères. Je sens verser ces sacrifices. Je l'ai fait pour mes frères, je l'ai fait pour mes frères, je l'ai fait pour mes frères, sans regret si j'ai pris des riches. Je l'ai fait pour mes frères, je l'ai fait pour mes frères, je l'ai fait pour mes frères, je l'ai fait pour mes frères, je l'ai fait pour mes frères, je l'ai fait pour mes frères. Sur un ici, personne n'a de cap. Ils veulent tous risquer leur vie pour avoir du buzz dans le rap. Mais ta mère t'a écorché mon blaze avec ta langue de vipère. Les couteaux que j'ai dans le dos me chatouillent comme ta chatte qui me caresse. Je m'en bats les deux boules, je reste debout. Quand j'ai compris que les négros étaient mes ennemis, frérot, ça m'a rendu fou. Pour des sous, ça c'est des soudes, ça sent les outils. On se boum, plus de peur de salir nos habits Gucci. Tu perds, tu crois quand on marabout, plus qu'au livre saint. Frère, t'as plus rien dans le bossaire, je crois que tu fumes trop de joint. Petit, on m'insultait de singe. Pour que je me pense inférieur, que je mette mon oseille dans l'inge comme un vieux sapeur. En Kaira, avec Sofiane, on s'associe, on fait du lessa. Le 9-3, c'est réfléchir et s'organiser pour faire un seca. Entouré que de mecs capables, XPLO, I need money. Faut dire ce qui est, la rue est cruelle, mais c'est ce qui m'aide. Give my money. Dans cette musique, je l'ai fait pour mes frères. Je l'ai fait pour mes frères. Je l'ai fait pour mes frères. Je sens verser ces sacrifices. Je l'ai fait pour mes frères. Je l'ai fait pour mes frères. Je l'ai fait pour mes frères. Sans regret si j'ai pris des riches. Je l'ai fait pour mes frères. Je l'ai fait pour mes frères. Je l'ai fait pour mes. Je l'ai fait pour mes frères. Je l'ai fait pour mes frères. Je l'ai fait pour mes frères. Je charbonne au micro comme un leur faux, c'est bien comme les faux. Les cassos baissent frontières, les chefs de poste haineux comme une vague de baisse. Labellisé dans la provenance, la frappe est ciblée. Là là la France, là là la bêche, je fais des triplés. La justice t'a violé, t'as mal m'excité. Le reflet de nos humeurs dans la violence du 9 mm. Capital de l'automatique, connecté à mon flow, ma clique. Par chez nous transite le trafic, nouvelle Afrique. Parce que tout ce que j'ai fait dans cette musique, je l'ai fait pour mes frères. Je l'ai fait pour mes frères. Je l'ai fait pour mes frères. Je sens verser ces sacrifices. Je l'ai fait pour mes frères. Je l'ai fait pour mes frères. Je l'ai fait pour mes frères. Sans regret si j'ai pris des riches. Je l'ai fait pour mes frères. Je l'ai fait pour mes frères. Je l'ai fait pour mes. Je l'ai fait pour mes frères. Je l'ai fait pour mes frères. Je l'ai fait pour mes frères. Oui, c'est sûr. Elle a fait mon râle. Shoot. Ferme saut, man. Tire. C'est pour les frères. C'est pour les soeurs. Tire. Tire. Tire.